Ouais, ouais, faut qu'on les termine, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Abat la vermine, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Je veux la même. Elle veut la même. Tout le monde veut la même. Je bouge pas d'ici, un peu de matos pour moi c'est Hella. Un peu de Gucci, un peu de Louis V, un peu de Margiela. Si t'es mon pire monde dans la gaufre, tu peux pas me chez là. Avant d'ouvrir ton huc sur nous, tu devrais te faire là. Ici on te connaît pas, la calabale est pas. Golf 7R, faut que les faux départs. Ici on te connaît pas, la calabale est pas. Golf 7R, faut que les faux départs. Dans le bac ça part de buzz, tu. La juge à la loi sous sa peuche. J'roule la cama, j'fais un peu, tu. Serre-la moi ou dis-moi que je pue. Même ceux qui m'aiment pas, j'leur passe la paix. Ça part business, tu devrais pas snapper. Rien de gratuit, faut rester aux aguets. Même son tarma, tu le casses, tu paies. J'bouge pas d'ici, un peu de matos pour moi c'est Hella. Un peu de Gucci, un peu de Louis V, un peu de Margiela. Si t'es mon pire monde dans la gaufre, tu peux pas me chez là. Avant d'ouvrir ton huc sur nous, tu devrais te faire là. Ici on te connaît pas, la calabale est pas. Golf 7R, faut que les faux départs. Ici on te connaît pas, la calabale est pas. Golf 7R, faut que les faux départs. Faut que les 3-6, la vraie te le sait, la même à Pullman ou à Ibis. Faut que le 36, quand t'es en maison d'arrêt, c'est l'école du vice. Quand j'suis à la fouille, j'pense au billet que j'ai palpé. Quand j'suis pas calibré, on dirait que j'suis à Walpé. Avec eux, tu t'amusais, avec moi, tu veux te marier. On a la meilleure des peufs ragoûts avant de parier. J'bouge pas d'ici, un peu de matos pour moi, c'est Hella. Un peu de Gucci, un peu de Louis V, un peu de Margiela. Si t'es mon pire monde dans la gaufre, tu peux pas me chez là. Avant d'ouvrir ton huc sur nous, tu devrais te faire là. Ici on te connaît pas, la calabale est pas. Golf 7R, faut que les faux départs. Ici on te connaît pas, la calabale est pas. Golf 7R, faut que les faux départs. Moteur V8, elle a du mal à imaginer la suite. J'regarde à droite sur le siège passager, y'a une fuite. 2019, j'suis méchant comme un tweet. Maman, j'suis clean, juste un peu de lean. Pour faire des sous, dans le 9-3 c'est le zoo. Dans ma berline, j'mets de la gasoline. J'monte sur un coup, c'est rien ou tout. J'bouge pas d'ici, un peu de matos pour moi c'est Hella. Un peu de Gucci, un peu de Louis V, un peu de Margiela. Si t'es mon pire monde dans la gaufre, tu peux pas me chez là. Avant d'ouvrir ton huc sur nous, tu devrais te faire là. Ici on te connaît pas, la calabale est pas. Golf 7R, faut que les faux départs. Ici on te connaît pas, la calabale est pas. Golf 7R, faut que les faux départs. Démarre, démarre, démarre, démarre. Démarre, démarre, démarre, démarre.